Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat. Bonsoir Monsieur Melon. Salut Nagui, c'est Lecta. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle sélection de bons sons. On commence tout de suite sans Nagui, mais avec Colin Stetson qui est pas prêt d'arriver sur le plateau de Taratata. Quoique, mais peut-être, qui sait, un jour à Lorient. Voilà, très bientôt à Lorient, on le croit, on y croit, on croise les doigts. En attendant, on écoute un premier extrait de son nouvel album, troisième album solo. On va écouter Among the Safe, tiré de l'album New History Warfare, volume 3, To See More Light. Colin Stetson, dans le secret du son d'abat. Thank you. Colin Stetson dans Secret du son d'abat avec un morceau très très beau, Among the Save. Les mots nous manquent là, voilà. C'est vraiment sublime. Sublime, un album, troisième album plus lumineux hein, que le précédent, plus d'espace, qui utilise, on l'a pu l'entendre la voix, là c'est la sienne pour le coup. Sur d'autres morceaux, il y a des invités. Au premier coup d'oreille, on a l'impression que c'est une suite logique du précédent qui était complètement géniale. Et puis au fil des écoutes, en fait, il donne encore plus d'espace à sa musique, il cherche d'autres territoires. Tout en jouant toujours avec les respirations circulaires, donc la technique hein, qu'il utilise pour jouer de plusieurs notes à la fois. Hein, je vous rappelle, hein, c'est un seul mec qui fait tout ça en live, on l'a pu le voir. Exact. On peut le certifier, il n'y a pas de overdub, il n'y a pas de... Il aime bien d'ailleurs le préciser, peut-être à l'attention d'un certain nombre de connaisseurs ou qui pourraient essayer de chercher la petite bête. Bon, j'ai envie de dire que il y aurait des overdubs que je trouverais pas la musique moins belle, tu vois. Ouais, mais ouais, bon, c'est... après voilà, il y a le côté performance. Voilà. Et, voilà, et elle est réelle. Voilà, évidemment. Voilà, maintenant il est assez reconnu. Il n'a pas encore touché le grand public, mais je pense que ce nouvel album il est très ouvert. Je pense que en tout cas, moi je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais à l'écoute du morceau que tu viens de nous proposer, le côté très aérien, la voix, moi ça me faisait penser, je te disais hors antenne, à Cindy Talk et notamment à ses participations au projet protéiforme This Mortal Coil. Voilà, ça pourrait toucher tout ce public-là à la frontière du public Télérama. Égotique. Mais peut-être qu'ils font qu'un, mais ils savent pas. À la croisée des chemins. En tout cas, Colin Stetson, vraiment un très très bel album. Enfin, en tout cas, qui m'a beaucoup touché. Et un tout aussi sublime album. Alors, le nouvel oui. album de The Drones qui s'appelle Seaweed qui vient de sortir sur ATP donc en ce début d'année 2013. Voilà, le Quatuor de Melbourne avait sorti un troisième album qui était chouette, mais peut-être un peu en dedans, voilà, qui n'avait pas retrouvé toute la verve mélancolique et mélodique. J'avais eu la chance de les voir à ce moment-là, bon, pour un concert un peu mi-fig, mi-raisin, c'était à l'Olympique. Je pense que le groupe se cherchait, enfin en tout cas il y avait un... C'était déjà il y a un bout de temps, je pense qu'il n'y a pas eu un album entre temps. Non, il y a eu un EP. On est passé à côté d'un certain nombre de choses, hein. Moi je sais que j'ai pas suivi. Mais l'album, tout, le groupe était un peu en sommeil, le groupe était un peu en sommeil, un peu en dedans, et là ils reviennent de plus belle avec ce magnifique album, Icy Seaweed. Et on va écouter un extrait qui s'appelle They Will Kill You, et voilà, que dire que voilà, si Nick Cave est complètement en panne d'inspiration, et en tout cas le dernier album, moi personnellement, me laisse penser, The Drones, voilà, ils ont ce cœur flamboyant australien. Ils sont au sommet là. C'est peut-être l'album du sommet. J'espère en tout cas pour eux que ça va être l'album de la totale reconnaissance internationale. On sait en Australie, c'est un groupe très populaire. Voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont arriver à ce niveau-là en Europe et dans le reste du monde. On écoute The Drones dans Le Secret du son là-bas. Resolution for New Year 2012. You would save till you made the carousel. And you'd be dumping all your hoarded, cause they didn't mean more than a bunch of props on stage. You might even find some new ones after jetting off to Stockholm by Adelaide. Where you'd rearrange your past to merge with each new twist that came. Or you'd touch down, then you'd shut down and leave before you'd stay. Soothed only by a hope that the world wouldn't cope without you long. But all plans are just on hold, I'm told, until your afterglow is gone. We'll Everybody shuts out front, waits there on the street. Like some postscript might ensure the whole thing don't repeat. Or give me back my upper hand. Or give me back my second chance. Or give me back my evil streak. And guarantee it stays with me. Or everything you did just kept you, boy. And everywhere you wandered was a substitute, a decoy. The jest of a drunk volunteering last night's footprint on your face. You knew you were trespassing, cause you lied about your age to anybody that would hear you out. Oh, while all your smoke screens lean from range and train their way south. But this birdhouse migrates to where you ever find your way out of it now. Than being hitched to the cart. Was it you that cracked my front door, or so softly in the dark? I've been sleeping most nights, stone cold like the shoal that you hit and sunk. But you were here, signed and sealed, just as real as any air left in your lungs. But you weren't fooling anyone. Lost, I might say. Your trail's as hard to read as any snakes. I knew your last and least on earth, but no one else. My faith I'm making all that she made worth. Andrea Belfi. Magnifique. Très bien. Dit. C'est le nom de, du morceau. Voilà, le morceau dit. C'était un extrait de l'album Wege. C'est sorti l'an passé, donc en 2012. Il n'y a pas bien longtemps. Voilà, bien, tout à fait. Je l'avais sous le coude. On s'attendait sagement sa petite diffusion dans le secret du son d'Abba. Sorti sur donc Room 40. Un label dédié aux musiques un peu comme ça, ambiante, expé, compagnie. Enfin, c'est assez large le panel, mais un label que j'aime bien suivre de temps à autre. Là, donc, c'est le quatrième album pour cet Italien. A priori, il a enregistré ça il y a un bout de temps, là, courant 2009. Ensuite, ça a été édité en 2011 pour être publié en 2012. Il a pris son temps. Il est entouré d'un certain nombre de gens pour une musique, voilà. Moi qui me fait penser, je pensais à Tortoise, mais peut-être plus à Radiant en fait, le côté jazz, mais pas vraiment, rock, mais pas vraiment non plus. Electro-dub. Voilà, des petites réverbérations. C'est l'air electro-dub, mais quand ça peut être bon, voilà, ça peut être ça quoi. C'est ça. Excusez-nous, les fans d'electro-dub. Et notamment aussi l'école House Music, Collapse, etc. Ces labels-là, les labels allemands qui avaient publié des projets qui sont un petit peu en sommeil, comme Village of Savonga, Tide Antical Trio, Kammer Flimmer Collective, qui lui peut-être d'ailleurs continue. Voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Voilà, c'est vraiment très très joli, ça s'écoute, t'as envie d'écouter ça au coin du feu, sachant que bah voilà, l'hiver n'en finit pas de se terminer. C'est terminable. Novembre, avril, c'est voilà. Pareil. Et en même temps, c'est pas lounge, tu vois, c'est pas Benet. C'est fin, Benet. C'est fin, c'est ça se mange sans fin. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup en tout cas ce petit côté groove, effectivement jazz enfumé un peu comme ça là, voilà. Parfait. Très très bien. Andrea Belfi, première diffusion dans le secret du son d'abord. Et on va poursuivre avec une première diffusion, c'est le projet solo Gull, G-U-2-L, avec un extrait inédit, un Fast Enough, tiré de vidéo. Tout simplement dire qu'il sera en concert en France le 23 mai, jeudi 23 mai au studio M-Appel à Lorient, alors, mais aussi au Festival des Trois Éléphants à Laval, où on sera aussi le secret du son d'Abba pour passer quelques disques en VIP. 24-25 du coup, 24-25-26 mai. Ouais, en fait, à suivre. Ouais, voilà. Et le jeudi 23 mai au studio M-Appel à Lorient, Gull, le secret du son d'Abba sera aussi présent pour un petit mix. Il jouera avec Lonely Rook. Alors, Gull, c'est quoi? C'est Nathaniel Rapol, qui est un gars qui joue de la guitare et de la batterie en même temps. Un one-man band, assez classique aujourd'hui dans les années 2000 ou post-2000. Et donc, c'est sa première tournée en France. Il vient de la scène punk rock de Richmond, en fait, une scène très très importante où il y a eu les débuts de Born Again, c'est les débuts de A Veil et tout ça, vraiment une scène importante dans l'esprit DIY, etc. Et lui propose un mélange entre sorte de Bob Locke 3 un peu psychédélique et une approche presque mat rock mais complètement bluesy, d'une sorte de Lightning Bolt qui jouerait, ou Della qui jouerait qu'une note sur 15 quoi. Donc voilà, on va écouter Gull dans le secret du son d'Abba. C'est vraiment très chouette, je pense que ça va être une jolie soirée. C'est le jeudi 23 mai au et cinéma. Ce sera gratuit et en plus c'est gratos. Gull dans le secret du son d'Abba, Fast Enough. I'm only real as I need to be. An irresistible human sandwich. I only see what I want to see. My emotional engine starter. Pretty animal, say my name. Hungry animal, start to watch you. Put the chemicals in my brain. Sing song, say. Aussi déglingué, dérangé, c'est le retour de Ghost Digital. Il me semblait pas qu'on en ait déjà passé parce non. que effectivement c'est assez rare de réussir à mettre la main sur ce genre de production. De production. Pourquoi Pourquoi donc déjà il y a peu d'albums sortis sur pas mal en d'années physique. D'existence. Mmh. C'est à chaque fois du physique, du CD, rarement du vinyle, mais je pense notamment à des albums parus entre 2007 et 2011. Moi, j'ai jamais vu nulle part. Hein. Quand je dis nulle part, c'est pas plus dans les distros obscurs ou les bonnes adresses internet où on chope des archives pour pas cher, si tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire que c'est obscur. C'est à la fois obscur et en même c'est temps quand c'est, nous c'est on archi... dit que c'est obscur, non, c'est que c'est très obscur. C'est à la fois obscur et c'est archi culte parce que c'est quand même le projet donc de entre autres, enfin ils sont deux dedans. Il y a Birgir Horn Thorodson, alors je connais pas du tout ce garçon, mais par contre Einar Horn, c'est un ancien Sugar Cubes. Donc là, tout de suite. Voilà, tu vois, ça pose tout de suite le truc. Son label, donc c'est Smake Kleitsa, un truc comme ça. On avait déjà passé, mais l'autre vie du secret du son d'abord. C'est bien possible. Voilà. Je m'en souviens très bien maintenant. D'accord, ok. Et cette mémoire sélective. C'est voilà. Et effectivement, donc voilà, ce label que je connais pas vraiment non plus. Mais par contre, le garçon, le duo, quand il décide de faire un disque, sait s'entourer puisque on retrouve outre Sensational qui était déjà présent sur un précédent album, la In Code We Trust, que moi j'avais adoré, que j'arrête pas de passer en soirée d'ailleurs, pas plus tard que hier soir. On retrouve aussi, t'as peut-être été interpellé par la voix, non ? Il y a la voix au perché de Einar Horn, la voix complètement déjantée, et puis il y avait au chant David Byrne de Talking Heads. Carrément, mais carrément, David monsieur. Byrne. Tout comme on retrouve Damon Albarn sur un morceau au piano. Ah, il a un super carnet d'adresses. Voilà, Alan Vega au chant un peu plus loin. Et on termine avec la guitare de King Buzzo des Melvins. Ça son va. Dernier album. Donc le monsieur a un gentil carnet d'adresses. C'est pas mal. Et ça donne un album d'électro comme ça, bien perché, avec une production volontairement sèche et peu de voilà peu assez peu sophistiqué, pas très confortable, ça balance certain. Mais il y a du groove, c'est faut aimer les trucs qui ont ni queue ni tête, et c'est mon cas, et vraiment on se régale avec Ghost Digital, et c'est le cas avec ce nouvel album qui s'appelle Division of Culture and Tourism, et je vous encourage à essayer de trouver sa trace. On poursuit avec Vice Low, hein, puisque c'est un français. C'est un ancien Cyan Super Crew et OFX. Comme quoi, tout est possible. Voilà, la vieille garde hip-hop française de retour avec un album qui se veut un peu façon production à l'américaine. On pense à Nas, on pense à Kanye West, évidemment, avec pas la même patate ampleur. Et la même ampleur, mais c'est assez surprenant. Il a su s'entourer de d'écoristes R&B anglo-saxonnes qui vont bien. Alors tout de suite on pourrait dire mais ça va être dégueulasse qu'il va nous faire entendre le ouais, gamelon. Ça fait et peur. Pas, hein, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment moi je trouve que c'est un bon album assez inégal. C'est vrai, c'est pas toujours extraordinaire, mais il y a quelques bons tubes, il y a des très bons textes. Moi je trouve que malgré le quelques écueils et quelques lourdeurs un peu de production, c'est vraiment un album qui s'écoute très très volontiers et on y revient régulièrement et sur toute la longueur. On va s'en écouter un extrait. Alors j'ai choisi volontairement un extrait que moi j'aime bien parce que c'est tous les copains qui sont présents sur ce morceau. Sur ce morceau qui fait un petit peu sorte de cadavre exquis hip-hop. C'est le Hip-Hop Ninja Remix parce qu'il existe une version où Bislow est tout seul dessus. C'est extrait de BT2 Collector. Je sais même pas par où c'est sorti d'ailleurs. J'ai même pas trouvé la référence au niveau du label, j'ai pas bien cherché. On y entendra notamment les Oxy et Bustaflex qui nous avaient bien enchantés au manège au printemps il y a un an. A2H, JD, VB's, Kenyon, Kondo et quelques autres. C'est le Hip Hop Ninja Remix dans le secret du son là-bas. Bislow. Qu'est-ce qu'on dit quand c'est sur un mix Ninja. Et tout d'un coup certains MC disparaissent. Ninja, prétextant un bif seulement. Parce qu'on fait la différence. Au micro on les gifle salement quand eux nous laissent indifférents. Comme le qui se range, je tisse ma toile et l'étoffe. Je serai le plus grand grâce à Dieu. Hamdoulilah, mazel tof. Je tape pas mon bis gros quand c'est beau avec Bisflow. Mafioso, style de flow, Colosimo. J'suis en mode N-I-N-J-A, black comme G.I. Joe. Pendant que tu crois que je rigole, je taille comme N.J. Joel. Fuck les médias, je passe pas dans leur radio. Depuis les bancs de l'école, c'est Shinobi mon idole. Je te ken un coup de shuriken, disparais dans la fumée. Pour saigner dans la semaine, j'ai le week-end pour t'inhumer. La force est dans la sagesse, la peur se lit dans tes yeux. Là, yeah, tu peux m'appeler l'Altesse Flex Ninja de banlieue. Yeah, je veux juste ma gomme au possible, un bon tarot chez Grossiste. Et je suis un ninja sur la prod, le joueur qui cogne, qui corrige. J'aime le rap depuis la cour. D'école, les coups de l'époque, autour des blogs, à mixer clope et drogue, à se foutre des codes. Maintenant c'est bling, soit cookie beat, house, gros chiffre. Et les petites guys profitent des bitches, classe, docile. Ça sent la poudre dans nos rues, je veux voir des bouches en cœur. À trop courir après la gloire, on finit souvent seul. Fallait qu'on plie le track, oui, on l'a fait, faut l'assumer. Mi ninja, mi pirate, la vie de fil flow d'Asuma. J'fais ta punelle à laitière, c'est comme ça que j'fais mon Birdman. Dans ce remix, y'a plus d'étoiles que sur le crâne de Birdman. L'hexagone, j'en ai fait la boucle. Et j'étais ma qu'il y avait bien la place pour moi et mes boucles, c'était match. On boira pas la cuvette, nous on multiplie les love. Merci l'homme noir à lunettes, ça vient d'un petit puni gros. Hip hop ninja, ni sob ni hard. J'écoute des beat rock dans le hip hop. J'n'ai ni prof ni bac, petite prod, rime propre. J'fais rien sans que ma team croque, que ma ville sente. Quoi qu'on dit, le score final. J'me suis fixé un but comme plein de ces gars qui luttent. Un de ces quatre, j'sais pas, peut-être mon truc paiera vu que j'paiera dur. Mais des fois les pages s'effacent, jamais ne rien que de produits néfastes. Ils voulaient qu'on stole, j'rendais des copies blanches. Tant sur le temps, j'n'avais aucun contrôle. J'suis dans mon élément camouflé dans ma ville parmi les bâtiments. Le big prêt à planter la musique pour fleur de l'underground. J'ai tracé l'avenir dans les lignes de mes vinyles. Creusé mon sillon pour faire ce feat, j'ai mis mon treillis. Prie pour ta délivrance, t'es grillé comme au pays. Frangin ne nie pas l'évident, j'allume la rue comme Billy. Jean comme Beat It, j'ai défoncé le breakbeat. J'suis Shaolin, mettre en la musique mon phrase est Télimou. Est-ce que l'hip-hop est ingrat? Bien sûr qu'il l'est. Ici faut la mort d'un artiste pour qu'il dise tout ce qu'il aime. Et à chaque fois qu'on me dit que je me trompe, man, je flanche. N'oublie jamais qu'ici on s'y plaît, Zidane au Stade de France. Oui c'est le feat, toi sur la gâchette, j'presse. Boum, des gars à les tweets. Jazz, Bisto, Jazz, Ninja, Jazz, Rega, Jazz, Radical, MC, Triomphe, Record. Dans les crins, le hip-hop est une gare, j'écris mon blast sur les trains. Peu importe la saison, tout ne dure qu'un temps. J'ai X raisons pour faire mon job à plein temps. Vu que personne m'invite en concert, je n'ai aucune touche. J'ai dû faire pas mal de micros ouverts pour fermer des bouches. End of the week, ma salle du temps, j'ai trop foutu la merde. Fumer la weed de temps en temps, frappe pas toi un artiste en herbe. Je me démerde, je me fous de ton avis. Vite saute, marqué par la vie comme un train graffé, je suis hip hop. Laissez tirer, à blanc dans la cabine. Cesse de crier, j'ai la gâchette facile. Juste pour briller, par coup tu nous baratines. Tu nous vantais les lyrics, écrit à la carabine. Tire en concert tant que tu es, toi qu'à la plume assassine. À coup de canon scié, comme tu le fais dans ta ville. Dommage on t'a grillé, tu ne pratiques aucun deal. T'as rien d'un mec hostile, non rien d'un chasseur de primes. Well, ici les règles sont floues, en fait. C'est l'anarchie parfaite, commandant en chef n'a pas de grade. Ici les mecs sont fous, j'ai vu des manchots tenter le bras de fer, des poids lourds pesés de grammes. Équipé de boules qui est-ce, quand le MC fait tiep, les groupies acquiescent, donc je reste perplexe. Deux trois textes complexes, et les mecs prennent pour Shakespeare. La foule en liesse s'exprime, crie yes. Consomme un rap expiré, détergent black spirit, je nettoie, crame tes rimes. Enfant du rap terrible, au micro de bactéries graves. Mon blast dans ton crâne chéri, véritable shérif, hip hop ninja flow glacial, oui tes poils s'érissent. She rubbing all on them titties, like my name was Biggie, but I don't know no Diddy. But got dirty money with me, got some Bobby and that Whitney. But Christina and Britney, she sippin' then she get tipsy, then she drop it low and get it. She wet it, I'm with it. She wet it, I'm with it. She wet it, I'm with it. It's mine, she don't get it. Fuck all night when I'm on that E. Shit a pot two, but tonight pot three. Roll so hard, can't feel my knee now. 5 in the morning, ain't think about sleep. Smoking on that papaya pie. Gotta wipe this look like Mariah. Bad, I make her hit that high note when I put the dick up inside her. My idol will be my clique. Bonjour, out there. Insane with Balmain. Bitch, these jeans by the stack of pair. I got hand and things on Givenchy. Bitch, don't even tempt me. I would take you to my office. Make you give me that Lewinsky. Blow so hard when I'm on them rocks. Bitch, so freaky, set the dick through the drawer. Hoes in her mouth, just a hum on the ball. After this night, whore won't even go. Up so high, I ain't never gon' fall. Pissing on niggas, got careers in the star. Shitting on niggas, leave streaks in your draw. Take a top off like a toilet when it's cold. They say I'm a manic, I'm manic. Be more than just a manic. This dick touch your appendix. I said that I'ma do it. So guess what, bitch, I did it. These hoes know that I done it. So now these bitches wet. She wet it, I'm wet it. She wet it, I'm wet it. She wet it, I'm wet it. She rubbing all on them titties, like my name was Biggie, but I don't know no Diddy. Got some dirty money with me, got some Bobby and that Whitney. But Christina and Britney, she sippin' till she tipsy, then she droppin' low and they get it. She wet it, I'm with it. She wet it, I'm with it. She wet it, I'm with it. I'm so stupid, I be fooling. Bitch, you see me, hoes start drooling. Bitch, you thirsty, acting foolish. Easy on the eight, cause I'm ruthless. Nigga with an attitude when I ain't do that. Roll her box up, let's get clueless. You wanna eat her while I fuck you. Waka waka, Ola do it. Yeah. In the paint, think y'all ain't. Drop a couple off, throwing up a drink. Dirty cream soda, swisher and doja. Dipping that Miley, got a nigga toa. Give your monkey this banana. I make the camel toe trample. Got you dripping wet in that bed up. When that pussy getting dismantled. I'm sucking all of them tits. You playing with this dick. You put them legs up on my shoulders. I'm spitting all on that click. She say, oh, you so nasty. Oh, Danny, you so nasty. I'm slapping on that booty. Left my handprint on that ass cheek. They say I'm a manic. I'm manic. Be more than just a manic. This bitch touch your appendix. I said that I'ma do it. So guess what, bitch, I did it. Them hoes know that I done it. So now them bitches wet, wet. Danny Brown, le retour de Danny Brown dans Le Secret du Son d'Abba. On avait adoré son album Triple X sorti sur False Gold en courant 2002, hein, printemps 2002, 2012, n'importe quoi. On l'avait d'ailleurs diffusé et encensé à l'époque avec sa voix inimitable, son groove bien dérangé à la Lil Wayne là, dans ses productions. Par Bangladesh, tu vois, ouais. L'esprit, le même côté, le cerveau cramé par la dope et bien malsain, comme on aime. Et le revoilà avec The OD EP, donc il est toujours dans les mêmes obsessions. son parcours d'ex-dealer toxico, machin, du côté de Détroit, forcément. Ça marque. Voilà, ça s'appelle Will It, le morceau que vient de s'écouter, un bon petit tube en puissance sur ce EP, ce EP 3 titres, dont les 3 titres sont d'ailleurs repris en version instru, pour ceux qui préfèrent les instrus. Ça sort aussi sur Fool's Gold et ça nous permettra d'attendre a priori un nouvel album pour l'été prochain. Avec une production, je disais, hein, hors antenne, très dans, la, dans le moment, très trap, etc. Voilà. En tout cas, voilà. C'est Will It, ça aurait pu s'appeler Trap It. C'était pareil. Exactement. On poursuit avec un abonné. Il y a des abonnés dans cette émission. C'en est un. Apollo Brown. Ouais, chez les Brown. Et là, qui vient de sortir une pseudo The Lifeboat mixtape qui en est pas vraiment une. Hein. C'est pas vraiment une. Une mixtape avec comme MC cette fois-ci David Hodge. David Hodge qui est connu, c'est pas ses meilleurs faits d'armes hein, pour avoir participé au groupe Evanescence au début des années 2000. On préfère oublier cet aspect de son travail. Et là qui vient collaborer avec Apollo Brown avec cette mixtape, enfin cette fausse mixtape, volume 1 de 9 morceaux vraiment. Sûrement peut-être les travaux les plus souples hein, d'Apollo Brown, mais tubesque comme d'hab. On va écouter un extrait qui s'appelle Faceless Few et ça me permet juste de regretter qu'on n'a pas réussi pour cette deuxième venue dans l'Ouest français. On est vraiment des branques et voilà, on se dit ben, un de ces quatre, on va réussir à voir ce mec. En tout cas, de Danny Brown à Apollo Brown en passant par Black Astan et quelques autres, le son de Détroit est vraiment en ce moment ce qui nous passionne. Hein. Exactement. Dans le secret du son d'abat, Apollo Brown et David Hodge, Faceless Few. Been traveling forever since I found the road. Perfecting my craft, the underground sounded dope. Dealing with haters, what you wanna clown me for? Look at these rappers, yo, the fight for the crown's a joke. Cause it's all about your contribution to the culture and overcoming money hungry convoluted vultures. I've been a nice guy, honest, doing music, lover. Life's been hard, but I'm getting calmer as my mood discovers another way of thinking, my own boundaries getting pushed. Another day gets written as I'm drowning in these books. Higher learning as I'm seeing people clouded in the cushion, mounting to nothing good but astounding that how they could. I guess my mission is to find the potential. Been doing it for so long, I guess a rhyme with credentials. Cause you could have the biggest thoughts with the tiniest mental. That's why I keep my brain sharp and stay refining my pencil. HB and HD, it is written, the Lord saved me. I believe life came free, but at a price. Someone say grace please before I reload my heart. Bullet love daydreams and trigger pain squeeze. Take these anecdotes of a tragic soul. My name is David, if you haven't known a passionate master flow. Mama, boy, teacher, producer with rapper goals. With a plan to attack with hope until the day my casket closed. And I'm attached to those who live a life that's filled with passion. Changing with the world, conscious people still adapting. Soldiers of the heart, getting killed in action. The least I can do is be real when rapping. Is there anyone who feels like me? Who feels like me? Who feels like me? Aye. Is there anyone who thinks like me? Who thinks like me? Who thinks like me? Aye. Cause I've been feeling so alone in a world so cold. A world so cold, ay. I know I can't do it on my own as I walk this road, but I gotta keep going on. You know what I mean? That's all I could really do. I gotta keep going on. No matter how hard these obstacles and challenges get, I gotta keep going. I gotta keep going. Yeah, on. I never hesitate to entertain and whip the spot. While labels in the offices are saying that this kid is hot. If life's a theater, then this game is gonna give me props. Saving my goals, spitting these flames like Kiprasov. These written thoughts of people reaching out and showing love in front of decent crowds. I'm screaming loud and I'm blowing up. No one to teach me how, believe the sound is so enough. I can barely see the ground, my heart is like an open drug. Now I be making moves with no time for celebrations. I'm learning as I go, I rewind the revelations. But when I look back, I see why it's devastating. People are hurting, that is why I rhyme for elevation. Is there anyone who feels like me? Who feels like me? Who feels like me? Ay. Is there anyone who thinks like me? Who thinks like me? Who thinks like me? Ay. Cause I've been feeling so alone in a world so cold. A world so cold, ay. I know I can't do it on my own as I walk this road, but I gotta keep going on. Is there anyone who feels like me? Who feels like me? Who feels like me? Ay. Is there anyone who thinks like me? Who thinks like me? Who thinks like me? Ay. Cause I've been feeling so alone in a world so cold. A world so cold, ay. I know I can't do it on my own as I keep going on. I gotta keep going on. I gotta keep going on. Encore un cas d'or de l'âge d'or du Nigerian Sound, yeah. le son de Lagos et de ses environs avec Tunji Oyelana sur la double compile magnifique. Nigerian Retrospective 1966-1979. Sorti sur Soundwave en 2012. Voilà, donc... Tout est absolument parfait, scroulé par terre de bonheur. On n'a pas forcément envie d'en dire plus. On peut vous encourager à vous procurer cette compile. Voilà, on avait écouté Tunji Oyelana sur des extraits sur les compiles. Chess Root, entre autres. Voilà, sur Nigeria, c'est on le retrouvait sur un certain nombre de compiles précédemment, mais il n'y avait pas vraiment eu jusqu'à cette double compile là, entièrement consacrée à son travail et à celui de son groupe de Benders. Il n'y avait pas vraiment eu de réédition jusqu'ici de ses travaux de cette période. C'est fait et on se régale. On poursuit, on reste en Afrique. ou presque, avec Krach Collective. Krach Collective, ils viennent de Londres. Voilà, ils sont d'origine éthiopienne. Ils ont fait leurs armes dans les mariages de communautaires. Et aujourd'hui, ils passent à l'acte avec un premier album qui s'appelle Ethiopia Super Krach, dans lequel on retrouve la chanteuse Genet Assefa, le percussionniste Robel Taillé, et surtout le multi-instrumentiste flûte Hachint, Masanko, chant. Le monsieur, il s'appelle Temesengen Zeleke, et surtout il joue une krar, qui est une sorte de lyre antique, et il en sort des sons vraiment assez funky, un peu électrique. Donc c'est une forme de musique un peu traditionnelle revisitée. Et vous savez qu'on aime beaucoup ici, hein, qui s'appelle ZX. Entre tradition et modernité, t'es en train de parler. Entre tradition c'est et modernité. Credo. Et donc, oui, je parlais de ZX qui vous savez, est fan de la musique éthiopienne depuis de bien longues années, qui nous a fait découvrir ou redécouvrir les hymnes de la musique éthiopienne. Et là vous allez entendre un morceau de musique traditionnelle, là revisité par Krach Collective. Vous allez voir à quel point ça nous fait penser à la version de ZX. Le morceau s'appelle Kuringinya. L'album est vraiment très très beau, un poil surproduit à mon goût, voilà. Mais il n'empêche que c'est vraiment de la classe. Il y a quelques compositions originales, le reste c'est essentiellement des reprises. Je vous invite à y jeter une oreille, tellement c'est réjouissant et peut faire venir éventuellement le soleil dans nos contrées brumeuses et pluvieuses. Krach Collective dans Secret du Son là-bas. ተናሽ አደራየ ፈጀ ቢተማድ ወየ ዮጀ ሆይ ዝማጀ Thank you. Ivat à l'instant dans le secret du son d'Abba avec le morceau Accession. Cet extrait de la compilation Circuit imprimé volume 3, je crois bien, qui est paru donc en début d'année 2013. C'est le label Pavillon 36, c'est un label qui propose uniquement des sorties digitales, donc un net label comme on dit dans le jargon. On avait passé un autre net label qui avait attiré mon attention, c'était le label Voxov récemment. Voilà, on est dans le même esprit, on peut penser aussi au label écossais Section 27. Ah, on avait pas mal passé. On avait passé quelques trucs, alors on est loin d'avoir passé. On peut pas. Non, mais ne serait-ce que parce que les net labels n'ayant pas d'impératif économique publient à peu près. N'importe voilà. quoi. Exactement. Et c'est bien ça. À la fois, ça bouillonne de créativité, mais à la fois, effectivement, il n'y a pas forcément un tri qui s'opère sur ce qui doit être publié, ce qui ne doit pas l'être. Ça ne veut pas dire qu'ils publient aussi de la merde. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais simplement, voilà, c'est une proposition permanente. Alors, voilà, le label existe depuis 6 ou 7 ans et ils en sont à plus de 70 références. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas y arriver, nous. On ne peut pas y arriver. Alors, quand on n'y arrive pas, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est judicieux de faire des compiles, c'est vrai que ça permet d'avoir un panorama en quelques titres de ce qui peut se faire sur ces net labels avec tout un tas de nouveaux artistes dont souvent on n'a pas entendu parler. Souvent, voilà, on a un track listing où émergent quelques noms qui ont pu avoir des références publiées en format physique et qui vont être un petit peu les noms sur lesquels on va accrocher des têtes de pont et qui vont nous permettre ensuite d'aller découvrir d'autres artistes. Donc voilà, Pavillon 36 qui est basé à Nîmes avec une proposition très large. À Nîmes. Voilà, tout à fait. Mais c'est complètement dingue d'être basé à Nîmes et de sortir ce type de production, quoi. Bah écoute, pourquoi pas, on est bien à Lorient. Voilà, il y a de l'électronica, des choses un peu break, hip-hop mélangé, hip-hop électronique, dubstep, IDM et compagnie. Enfin voilà, moi j'ai écouté donc les circuits imprimés volume 2 et volume 3. L'un est sorti à l'automne, l'autre donc cet hiver. Et vraiment, il y a de la très très bonne cam dans l'ensemble. Donc c'est des bonnes portes d'entrée vers ce label. Voilà, c'est en des compiles. Non, c'est on peut les récupérer pas cher. Non, mais on peut, voilà, c'est ça. J'ai plus ça en tête. Hein, euros, mais c'est soit c'est prix libre comme on dit, hein, soit effectivement c'est des prix très très modiques au titre ou à la compile. Et de toute façon, évidemment, comme c'est référencé sur Bandcamp, eh bien on peut tout simplement écouter en ligne. Et ça, c'est magnifique. On poursuit avec Polémique Victor. Et on va terminer même, mon cher Grigoula, avec l'ami Hervé de Strasbourg, alias Polémique Victor. C'est un gars de l'assaut Les Enfants de la Pluie, des copains à moi, hein, pour tout dire. Qu'on aime beaucoup, très dynamique sur Strasbourg, organisateur de très belles fêtes, notamment au Molodeuil et dans les endroits associatifs et les bars qui vont bien dans la capitale strasbourgeoise, alsacienne. Et donc Polémique Victor, c'est son projet Ambiante XP, un dark ambiant très très bien fichu, évidemment sur des terres musicales qu'on connaît, hein, mais que moi j'apprécie toujours. C'est le label Marasme qui a la bonne idée de publier cette EP 3 titres qui s'appelle L'Antre du Sorcier. Ça c'est publié donc à la fois là aussi sur Bandcamp en format digital, mais surtout en vinyle. Je crois qu'il y a une petite édition vinyle, j'ai pas bien retenu le nombre de copies qu'il y aura. Je crois que le vinyle est même pas encore sorti au moment où nous enregistrons cette émission. En tout cas, je vous encourage à découvrir la musique de Polémique Victor. On va l'écouter avec son titre qui s'appelle Incantation. À très bientôt, mon cher Nagui Selecta. Bonne soirée, monsieur Melon. Vous êtes fatigué, monsieur Melon, quand même. C'est ça. Monsieur, un peu fatigué, quand même. Un petit peu. Polémique Victor.